إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, en ce premier jour du mois de Ramadan, avant de commencer la série de cours sur les récits du Coran qui a été annoncée, je souhaite tout d'abord que l'on se rappelle de l'importance de la méditation du Coran. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est le mois du Coran. Et c'est le mois durant lequel il est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans Surat al-Baqarah, au verset 185, « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Qur'an a été descendu. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, « Allah fait l'éloge du mois du jeûne en dehors des autres mois, car il l'a choisi parmi eux pour la descente du Coran immense durant celui-ci. » Ensuite, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge du Coran en disant qu'il a été descendu « Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » comme guide pour les gens, c'est-à-dire comme guide pour les cœurs des serviteurs qui ont foi en lui, qui croient en sa véracité et qui le suivent. Il a donc été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. C'est-à-dire qu'il contient des preuves et des arguments clairs et évidents permettant de distinguer entre la vérité et le faux, entre la bonne voie et l'égarement, entre le licite et l'illicite. Mais ces preuves claires et ces arguments ne peuvent profiter qu'à ceux qui les comprennent et qui les méditent. En effet, celui qui ne médite pas, et qui ne cherche pas à comprendre le Coran, il ne pourra pas tirer profit de cela. Et ceci nous montre l'importance de la méditation du Coran afin de pouvoir tirer profit de ce noble livre qui est un guide pour les gens. Et la méditation du Coran, elle consiste à chercher à comprendre ses sens, à réfléchir sur ce que tu lis parmi ces versets, à réfléchir sur ce que ces versets indiquent, et ce afin que ton cœur tire profit de cela, en faisant preuve de recueillement lors de ta lecture ou lors de ton écoute de ses exhortations, et en te soumettant à ses ordres, en les accomplissant, et à ses interdits en les délaissant. Et ceci fait partie de la loyauté envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui incombe à chacun d'entre nous. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Ad-dinun nasiha » la religion et an-nasiha, la religion et la loyauté. Qulna liman ya Rasulallah. On a dit envers qui, au messager d'Allah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Il a dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et l'ensemble de la communauté. Et la loyauté envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle consiste à aimer ce livre, à révérer ce livre, car c'est la parole de ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc désirer comprendre ces paroles, donner de l'importance à sa méditation, afin de saisir l'essence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pouvoir ainsi agir en conséquence de cette bonne compréhension. Imagine que tu aies reçu une lettre contenant des conseils et des recommandations de la part d'une personne que tu aimes et que tu estimes. Il ne fait aucun doute que tu vas accorder de l'importance à cette lettre. Il se peut que tu la lises à plusieurs reprises, afin de bien la comprendre, et afin qu'aucune de ses recommandations et de ses conseils ne t'échappe. Alors que dire du livre que le Seigneur des mondes a fait descendre comme guide pour l'humanité? Comment peut-on s'en détourner et ne pas chercher à le lire et à le méditer? Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on lit le Coran, la préoccupation de beaucoup d'entre nous n'est bien souvent que de clôturer sa lecture, sans même chercher à en tirer profit. Lorsqu'on commence une sourate, on se concentre plus sur le temps que va nous prendre sa lecture et sur son nombre de pages que sur les leçons que l'on peut en tirer. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus graves erreurs. Et le croyant doué de raison est celui qui cherche à tirer profit de la lecture du Coran. C'est celui qui se remet en question lors de sa lecture. Celui qui cherche à comprendre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de s'y soumettre et de les mettre en pratique. Celui qui cherche à comprendre les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir s'en écarter. Celui qui cherche à comprendre les exhortations que contient le Coran afin de pouvoir en tirer profit. C'est ainsi qu'agit le croyant doué de raison. Il prend garde à tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a averti dans son noble livre. Il craint sa menace et son châtiment, et il a espoir en son pardon et sa récompense. Et celui qui agit ainsi lors de sa lecture, alors celle-ci lui sera des plus profitables, incha'Allah ta'ala. Et le Coran sera pour lui un intercesseur et un témoin en sa faveur, incha'Allah ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran est une preuve pour ou contre toi. C'est une preuve pour toi si tu le médites, si tu cherches à le comprendre et que tu te soumets à ses ordres et à ses interdits. Et ce sera une preuve contre toi si tu te détournes de cela. Donc celui qui agit ainsi, qui médite le Coran, il va tirer profit de sa lecture. Et il va ainsi être profitable pour lui-même, pour sa propre personne, mais aussi pour les gens de son entourage, pour sa famille, pour ses parents et pour ses enfants, ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est ce qu'a mentionné l'imam Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, en décrivant la situation du croyant doué de raison lorsqu'il lit le Coran. Et il dit aussi en le décrivant, lorsqu'il commence la récitation d'une sourate, sa préoccupation est de savoir quand va-t-il tirer profit de ce qu'il récite. Sa volonté n'est pas de savoir quand va-t-il clôturer la sourate, mais plutôt, quand va-t-il comprendre la parole d'Allah? Quand va-t-il s'éloigner de ce qui lui est nuisible? Quand va-t-il tirer des leçons? Et ce, car la récitation du Coran est une adoration, et l'adoration ne doit pas être pratiquée dans l'insouciance. Fin de citation de la parole de l'imam Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala. Chers frères et sœurs, la lecture du Coran et sa méditation est la base de la réforme du cœur et de sa droiture. C'est donc ce qu'il y a de plus profitable pour nous en réalité. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit une parole immense à ce sujet que je vais essayer de vous citer en résumé. Il a dit rahimahullah, selon le sens résumé de sa parole, « Il n'y a rien de plus profitable pour le cœur que la lecture du Coran avec méditation et réflexion. Le Coran réunit toutes les étapes de ceux qui cheminent, c'est-à-dire ceux qui cheminent vers Allah. » C'est lui qui mène à l'amour, à la peur, à l'espoir, au retour vers Allah, à la confiance en Allah, à l'agrément, à la reconnaissance et à l'endurance, ainsi qu'à l'ensemble des situations permettant au cœur de vivre et d'atteindre la perfection. De la même manière, il réprimande toutes les caractéristiques et les actes blâmables qui sont la cause de la corruption du cœur et de sa perdition. Et si les gens savaient ce qu'il y a comme profit dans la lecture du Coran avec méditation, ils se seraient consacrés à cela en dehors de toute autre occupation. Par conséquent, s'il le lit avec réflexion et qu'il passe par un verset dont il a besoin pour guérir son cœur, qu'il le répète même 100 fois et même toute une nuit, car la lecture d'un verset avec réflexion, en cherchant à le comprendre, est meilleure que la lecture complète, qu'une khatma complète, que la lecture complète du Coran, sans méditation et sans chercher à en comprendre l'essence. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez ici que ce livre, c'est un guide pour les gens. Il mène à tout bien. C'est la méditation de ce livre qui va te mener à l'amour d'Allah, à la peur d'Allah, à la peur de son châtiment, à l'espoir en Allah, à l'espoir en la récompense d'Allah, au retour vers Allah, au repentir, à t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation, à agréer ce qui vient de lui et à agréer son décret, à faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et à faire preuve d'endurance. C'est cela qui va te mener à la vie du cœur et à la perfection de la vie de ton cœur. Et il va t'aider aussi à t'écarter et à délaisser tout ce qui mène à la corruption de ton cœur et à sa perdition. C'est pour cela qu'il nous dit que si les gens savaient cela, s'ils savaient ce qu'il y a comme profit dans la lecture du Coran avec méditation, ils se seraient consacrés à cela en dehors de toute autre occupation. Malheureusement aujourd'hui, à quoi se consacrent les gens? Beaucoup de personnes se consacrent à ce qui ne leur est pas profitable, se consacrent aux réseaux sociaux. Ils passent leur journée, tout au long de l'année, et même durant ce mois béni, durant le mois de Ramadan, à naviguer dans les fils d'actualité des différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ou je ne sais quoi. Et ceci, dans la majorité des cas, ne leur est d'aucun profit ou pire encore leur est nuisible. Alors que la méditation du Coran, sa lecture, c'est une cause de bien pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Et il se peut parfois que tu lises un verset qui t'est profitable, un verset qui vient t'avertir contre un de tes manquements, et que celui-ci touche ton cœur. Alors n'hésite pas à répéter ce verset, à le lire avec méditation, à chercher à en comprendre le sens, à chercher à t'imprégner de cette exhortation que contient ce verset, afin de guérir ton cœur. Même si tu dois répéter ce verset 100 fois, comme nous le dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ou même toute une nuit, car cela est bien plus profitable que de lire le Coran à toute vitesse, sans chercher à en comprendre le sens. Et attention ici, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à clôturer le Coran durant ce mois, non, car ceci fait partie des choses pratiquées par nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ils veillaient, durant ce mois, à multiplier la clôture du Coran. Mais chacun doit avancer à son rythme, et ne pas multiplier la lecture au détriment de la bonne compréhension. Et on parle ici, bien sûr, de ceux qui comprennent le Coran. Quant à celui qui ne le comprend pas, qui n'a pas la langue arabe, qui n'arrive pas à comprendre ses sens, alors celui-ci, on lui dira, multiplie la lecture, même si tu ne comprends pas, afin de perfectionner ta lecture et d'obtenir la récompense de cette récitation. Et fais des efforts en parallèle de cela, comme on va le voir par la suite, dans l'apprentissage de la langue arabe pour pouvoir méditer ce Coran. Car la méditation, comme on a dit, est d'une grande importance pour le croyant. Et c'est ce qui doit être recherché à travers notre lecture. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. » Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. L'éminent cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Nasi'di rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de ce verset, « Ceci est une preuve de l'encouragement à la méditation du Coran, que cela fait partie des œuvres les plus méritoires et que la lecture faite avec méditation est meilleure que la lecture rapide qui ne permet pas d'atteindre cet objectif. » En effet, celui qui lit rapidement, bien souvent, les sens du Coran vont lui échapper. Lorsqu'il ouvre le mushaf, son souci est de terminer ce qu'il a prévu de lire. Il s'est fixé un nombre de pages et il souhaite seulement l'atteindre. Il ne cherche pas à tirer profit de ce qu'il lit. Il ne cherche pas à tirer profit des exhortations du Coran. Il ne médite pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes blâmé ceux qui ne méditent pas le Coran et qui ne cherchent pas à comprendre le sens de ces versets. Il a dit subhanahu wa ta'ala, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha » Ne méditent-ils pas sur le Coran ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit en explication de ce verset, c'est-à-dire, si seulement ceux qui se détournent du livre d'Allah le méditaient et raisonnaient comme il se doit, car s'ils le méditaient, il leur aurait indiqué tout bien et les aurait prévenus contre tout mal. Il aurait rempli leur cœur de foi et de certitude et les aurait conduits à des objectifs éminents et précieux. Il leur aurait montré la voie qui mène à Allah et à son paradis, ce qui permet de la compléter et ce qui la corrompt, et il leur aurait montré la voie menant au châtiment et comment s'en mettre à l'abri. Il leur aurait aussi permis de connaître leur Seigneur, ses noms, ses attributs et sa bienfaisance, et il leur aurait fait désirer sa récompense abondante et leur aurait fait craindre son châtiment. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, am ala qulubin aqfaluha, ou bien, y a-t-il des cadenas sur leur cœur, c'est-à-dire, ont-ils été scellés avec ce qu'ils contiennent comme mal, au point que le bien ne puisse plus y entrer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver d'une telle situation. Le Coran a donc été révélé pour qu'on le médite, pour qu'on en tire profit et pour qu'on le mette en pratique. Malgré cela, si on observe la situation de beaucoup de musulmans aujourd'hui, on verra qu'ils se sont détournés de la méditation et se sont contentés de sa lecture, de sa psalmodie et de sa mémorisation, au point que l'on puisse trouver des lecteurs qui mémorisent le Coran, qui ne comprennent rien à ce qu'ils lisent du Coran, alors que dire de leur mise en pratique? Il n'y a pas de doute que celui qui ne comprend pas ce qu'il lit et ce qu'il mémorise, il ne pourra pas mettre en pratique ce Coran. Comment pourrais-tu mettre en pratique une chose que tu ne comprends pas? Comment pourrais-tu œuvrer selon des ordres que tu n'as pas compris et que tu n'as pas médité? Comment pourrais-tu délaisser des choses dont tu n'as pas compris que tu as été averti contre celles-ci et qu'elles t'ont été interdites? Donc la clé de la compréhension de cette religion et de sa mise en pratique, c'est la méditation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci est indispensable. Mais malheureusement, elle a pour beaucoup aujourd'hui été négligée et délaissée. Et le délaissement de la méditation a des causes. Parmi les plus grandes causes, il y a le fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont plongés dans l'insouciance ou dans les distractions qui les éloignent de ce qui leur est profitable. Beaucoup d'entre nous également baignent à longueur de journée dans les péchés et dans les mauvaises actions qui viennent noircir leur cœur et les empêchent de tirer profit des enseignements du Coran. Et beaucoup d'entre nous également ignorent la langue arabe et ont délaissé son apprentissage, Wallahu al-musta'an. Et ces trois causes sont les trois causes principales du délaissement de la méditation du Coran, et nous verrons cela avec plus de détails lors de notre prochaine rencontre, Inch'Allah ta'ala, et nous verrons aussi, si Allah nous le permet, les causes aidant à la méditation et ses bénéfices pour le serviteur. Le sujet étant d'une grande importance, j'ai préféré le diviser en plusieurs parties. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra la suite lors du prochain cours. Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.